C'est un peu le merdier, ton truc, Manu, là. Glaze, glaze. Tu m'entends, Manu? Est-ce que tu m'entends bien? Ah, ça c'est bien. Thank you. t'appeler comment, Manu? Thank you. Yeah.